petit homme qui s'appelait Guillery Carabine. Il s'en fut à la chasse au père de Ricarabine. Toto Carabon, marchand de Carabas, compère Guillery. Te laisseras-tu mourir? Il s'en fut à la chasse au père de Ricarabine. Il monta sur un arbre pour voir ses chiens courir. Carabine, Toto Carabon, marchand de Carabas, compère Guillery. Te laisseras-tu mourir? Il monta sur un arbre pour voir ses chiens courir. Carabine, la branche vint à rompre, et Guillery tombit. Carabine, Toto Carabon, marchand de Carabas, compère Guillery. Te laisseras-tu mourir? Vint à rompre et Guillery tombit. Carabine, il se cassa la jambe et le bras se démit. Carabine, Toto Carabon, marchand de Carabas, compère Guillery. Te laisseras-tu mourir? Il se cassa la jambe et le bras se démit. Carabine, on lui banda la jambe et le bras lui remit. Carabine, Toto Carabon, marchand de Carabas, compère Guillery. Te laisseras-tu mourir? On lui banda la jambe et le bras lui remit. Carabine, pour remercier les dames, Guillery les embrassit. Carabine, Toto Carabon, marchand de Carabas, compère Guillery. Te laisseras-tu mourir?